La bêtise et la connerie, l'agressivité, la sottise et la jalousie, l'incompréhension et toutes les compromissions. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux? C'est déconcertant qu'il y en ait vraiment autant. Cherchez un con dans le dictionnaire, il y en a des pages entières. Il y a les cons gentils, les cons qui pleurent, les cons qui rient. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux? Pour entrer au club des cons, faut remplir les conditions. Il y a les cons méchants, les dangereux, les contrariants. Il y en a bien trop sur terre, il ne faut pas que les cons gèrent. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux? Les cons ne savent pas qu'ils sont cons, et c'est pourquoi ils ne font pas les condamner, simplement les contourner. Si les cons n'existaient pas, il faudrait les inventer. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux? Il y a le con intégral et le con congénital. Il y a les concentrés, les sacrés cons, les consacrés. Il y a même des cons heureux, et puis si t'es con, tant mieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux? Toi, mon public adoré, tu es venu m'écouter. Ça prouve que tu as du goût et que tu n'es pas con du tout. Ne te sens pas concerné, le con c'est celui d'à côté. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux? Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Il paraît qu'ils sont contagieux. Mais comment se fait-il que les gens soient si cons? Ou c'est moi qui suis plus con qu'eux?